police car. Là-bas, y'a pas de soldats. Y'a de la bonne ganja qui pousse avec le soleil de Dja. Pour la vida, Costa Rica, Costa Rica. Là-bas, y'a pas de soldats. Y'a de la bonne ganja qui pousse avec le soleil de Dja. Pour la vida. Ma petite soeur m'attend, donc je prends mon temps. Quand j'irai là-bas, la playa, la ganja. Mais je sais une chose, c'est comment va Africa. Et les gens sont comme ça, dans la joie peu rapide. Costa Rica, Costa Rica. Là-bas y'a pas de soldats. Y'a de la bonne ganja qui pousse avec le soleil de Dja. Pour la vida. Elle est partie, c'est la vie finie. Elle l'avait dit, prédit, un grand vide dans ma vie. Je continue ma vie, pas d'oubli, je fais pas de pli. Pas fini, fais ta vie dans l'oubli. Costa Rica, Costa Rica. Là-bas y'a pas de soldats. Y'a de la bonne ganja qui pousse avec le soleil de Dja. Pour la vida. Paradis, fiction, petite sœur, je fais attention. Sans erreur, y'a pas de leurre, pas de vice. Sans supplice, pas de drogue, sans complice. Si tu chutes, attention où tu glisses. Costa Rica, Costa Rica. Là-bas y'a pas de soldats. Y'a de la bonne ganja qui pousse avec le soleil de Dja. Pour la vida.